Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Ben, je me vois. Ah, tu te vois. Tu veux que je te dise ce que je vois à moi? Un type fier. Un type fort. Un type qui peut être très très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur les Faut pieds. Faut rester fort et fier, même dans la défaite, et faire l'effort de faire que les frères soient fiers. Je suis fier que ma mère soit fière. Au mic et par la frais, fier quand pour l'intro à Joke, c'est ma gueule qui l'a appelé. Fier de poser avec Babra des OP. Fier de mon mic-check et tout ce qu'il a à proposer. J'suis fier et encore plus fier si tu kiffes à l'écouter. Fier, j'suis fier depuis que j'ai pu poser deux pieds à terre. J'suis fier et dis-moi qui peut dire le contraire. Fier d'assumer tout ce que je fais, même si j'suis loin d'être exemplaire. Moi j'ai jamais touché à ce que tu chauffes dans ta cuillère. J'attends pas que la vie me donne, moi je la braque et me sers. J'suis fier et pas prêt de m'arrêter de si tôt. Encore moins depuis que j'suis père et que leur prénom grave ma peau. Moi j'suis fier d'être ton frère Rouillot. Fier comme les gars du milkshake et l'isso. Fier même devant mille mecs à l'assaut. Fier comme à l'époque gros avec Tigénito. Les nouveaux venus on t'a déjà prévenu. Fier de s'en sortir sans trop dégâts. Fier la tête haute, je marche droit dans ces couloirs étroits. Fier c'est dans mon karma. Fier c'est ça que j'apprendrai à mes deux gars. Trois choses à dicter, tu connais le refrain, c'est le déclic ma fierté. On impose nos règles quand y'a des comptes à régler. Ouais, fier de défendre mes règles quand ça chicane sur le pavé. On vit tous au présent avec les marques du passé. Fier d'avoir tiré un trait sur tant de soucis entassés. LD, c'est le son qui berce quand t'as la tête sous coussin. Qui se disperse quand t'allumeras tes enceintes. Fier si c'est mon destin. Même la fierté a des failles. Wesh, trop de peine, ça déraille. Des sourires s'arrachent, drame sur drame. Nos mères sont pleines de larmes. Y'a pas de sérum pour soigner nos âmes. Sans protéines, l'âme a rongé plus d'un crâne. Respecte la madame. Sans elle, on voit rien. Le train-train, passe vite. Demain, c'est le même rythme, le même rythme. La même odeur de shit, la même devise. Au snipe, le vice nous vise. Fier, c'est ton fier fils. Fier d'être un MC, d'avoir choisi l'indépendance. Libre comme un oiseau, je m'en prends les yeux de vos tendances. Dans l'underground, on fait nos classes, on n'attend rien de personne. La fierté nous guide, mais dans la street, c'est les glocks qui résonnent. Je suis fier de mes écrits, de mes proches, de mes amis. Fier de mes échecs, car c'est comme ça que j'ai compris qu'à foncer, tête baissée, je récolterai que des soucis. Fier, je resterai toute ma vie. Attenant des gars fiers, forts, bruts de coffre au sang chaud. C'est un show que l'on remonte, ces odeurs frères blessants. Nos origines leur font grincer les dents. Baisse les yeux dans les profondeurs, nos vies prennent de la hauteur. Symptôme héréditaire, père, mère, j'accélère au quotidien. Dieu merci, je vois ma vie dans les yeux de mon fils. Et ma vie, pas ma vie, j'en suis fier, bâtard, quoi que tu dises. Mauvaise langue, tu critiques, je t'ai ôté de ma tête. Continue à travailler mes tests qui devaient aussi compliqué qu'un casse-tête. Y'a rien de pratique à utiliser, un style copié. J'utilise ma fierté, mon honneur, ma tristesse, je la donne à mes ennemis. Je garde ma douceur à mes amis, mort ou vif. Laisse tomber, ils mourront pas tant qu'on sera encore là. Nos hermains, on survivra, ça, mort ou vif. Chez ta, tu ne dériveras pas du droit chemin. Fier d'être mort, l'homme pas un bâtard qui pue de la gueule. Fier d'être fier, je baisse pas les yeux dans vos battles. J'suis fier d'y être arrivé seul, ton coup de crayon dans la feuille. Beaucoup de partisans de cette musique malheureusement étaient en deuil. Donc j'suis fier de sortir mon 4x4 de la bousse en treuil. Avec les 2000 tchèques, on est sept gaillards qui en veulent. Ma fierté, c'est un espace de liberté dans cette vie de kleps. Tu verras jamais péter au rosé, te demander la petite pierre. Fier, fier, je n'ai pas un cœur de pierre. C'est pour ça que je déblatère des rimes à tomber par terre. Et même si parfois je galère, je m'impose dans cette atmosphère. Pour Mitchek et tous mes frères, en restant toujours sincère. Je reste fier comme un lascar, je baisse les CRS en quart. Prépare-toi pour un stock car tes pépites sont t'as en stock. Car on n'est pas des crevards, juste fier et débrouillard. Juste fier et débrouillard. D'être sincère et ne pas avoir un cœur de pierre. D'être le pote à pierre. Fier du cœur à l'ouvrage. De ce thème qui met la rage. Fier de donner sa parole entière et pas au tiers. Si toi tu l'es pas, joue pas ton fier. Dans ce cas-là, ne jure pas sur ta mère. Si tu veux être fier, fier, mais pas qu'à moitié. La fierté c'est ma moitié. Elle fait partie de moi. T'y es, fait partie de moi. T'y es, c'est ça. feu est dans le sang. 1er janvier 1804, ça c'est sa date de naissance. Je la ressens, je la ressens jusqu'au plus profond de mes sens. Haïti, premier pays noir qu'obtient son indépendance. C'est pas une mode ni une tendance, peu importe que t'en penses. La liberté n'a pas de prix, je l'ai appris dans mon enfance. Donc je fais ce qu'il faut faire pour être F-I-E-R. Caporal, c'est la tête haute que je m'esquive, frère. 1804, éphémère team, ne cesse de militer. 1804, éphémère prod, ne va jamais céder. Et mon soutien est sincère à chacun de nos insurgés, à nos cousins, à nos frères, à nos morts, six pieds sous terre. Reste fier de ton maillot comme celui de Manchester. Non, jamais briser le noyau, même si ça doit coûter une guerre. Fier d'être soldat à son drapeau comme l'était Aimé Césaire. Continue de porter ce fardeau, même avec un genou par terre. Un bouffeur de pierre, un bouffeur de pierre, mais à bord du fier, un de mon prénom Pierre, car qui l'a trouvé, c'est mon défunt père. 2005, j'ai vu la flamme au fond de ses yeux, celle qui te maintient la tête haute avant de barrer aux yeux. 3, je reste droit, la vie te broie si tu fais pas le poids. Fier et naturel, on sait que l'habit ne fait pas le roi. 4, pour les nambos, pas pour les rats, tous ceux qui marchent à pied, la tête haute et pas à 4. Pas Pierre, Pierre, quand vous êtes toujours important de poser, toujours Pierre. Continuez à poser ma fierté, jamais exposée en l'air. Fier, fier, quand se dire toujours important de poser sur speed. 1000 chèques, représenter les gars de ma zone. Je zone ma fierté comme une pierre. Accroché, frère, si à ma donne, écoutez, apprends à grandir, puis à doser.